Nous accueillons Tomukaribisha. Le pasteur Rosette. Mchungaji Rosette. Merci. Asante. Nous disons encore merci au Seigneur. Tunasema tena asante kwa Bwana. Pour ce jour. Kwa ajili ya siku hii. Chaque jour c'est un jour nouveau. Na kila siku ni siku mpya. Alléluia. Amen. Qui avait déjà vécu aujourd'hui? Nani ambaye ameshaishi siku ya leo? Personne. Hakuna mtu hata mmoja. Dieu nous a encore accordé la grâce de voir ce jour nouveau. Na Mungu ametupatia neema ya kuona hii siku mpya tena. Il y a un cantique qui monte dans mon cœur, mais je n'ai pas vraiment la voix pour chanter. Ça peut-être je ne connais même pas très bien les paroles, mais la chorale va m'aider. Kuna wimbo ambao unapanda moyoni mwangu, nitaomba kwa yeye nisaidie. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car rien n'est comme toi. C'est tes chants nouveaux qui montent dans mon cœur. Un cantique d'amour. Mon seul sauveur, il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté, et m'est placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Lui seul me suffit. N'oublie aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort. C'est mon maître qui la tient. Et quand il me tient la main, nous faisons droit dans l'armée de l'ennemi. Et les grands Goliaths se retrouvent par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Et dis-moi, papa, papa, papa, oh, regarde bien, je le traduirai. Lui seul me suffit. La sainte me suffit, Seigneur. Tu es celui qui me rassure. Tu es tout pour moi, Seigneur, mon rocher, ma forteresse. Ni ne peut s'égaler à toi. Je me mets tu mérites, chanter. Seigneur, que nous puissions chanter pour toi. Tu mérites que nous puissions t'adorer. Tu mérites, Seigneur, que nous puissions te célébrer. Toi, le roi des rois, ni ne peut s'égaler à toi. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous. Le Dieu qui ne nous rejette pas, Seigneur. Le Dieu qui nous a acquis des grands prix, tu as fait de nous tes enfants. Gloire à toi, Seigneur, car tu es bon pour nous. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Vous savez, parfois il y a des cantiques qui montent dans nos cœurs, mais nous ne savons pas les chanter. Mais heureusement que le Seigneur regarde les profondeurs de nos cœurs. Amen. Amen. Nous continuons avec notre sous-thème, être vivant pour vaincre la stagnation. Tunaendelea na mada yetu ambayo inasema kuwa hai ili ushinde kubaki fasi moja. Et c'est sous notre grand thème vaincre la stagnation. Na hii ni ndani ya mada yetu kubwa kushinda kubaki fasi moja. Nous allons relire notre texte de Josué chapitre 1 le verset 5. Tutasoma tena andiko letu la Yoshua sura 1 mstari wake wa 5. La Bible dit, neno la Mungu linasema, nul ne tiendra devant toi hakuna atakaye kupinga, tant que tu vivras. Kabla utakapokuwa unaishi. Je serai avec toi itakuwa pamoja nawe, comme j'ai été avec Moïse. Kama nilivyokuwa na Musa. Je ne te délaisserai point. Sitakuachilia. Je ne t'abandonnerai point. Sitakutupilia kamwe. Alléluia. Amen. Le pasteur nous avait dit que lorsque dans la Bible on écrit point, Mchungaji alituambia kwamba ndani ya Biblia wanapoandika kamwe inakuwa hapana ambayo inaendelea. Alleluia. Amen. Depuis hier nous avons commencé à parler de ce sous-thème. Tangu jana tulianza zungumzia mada hii. Et la première phrase de ce verset nous a c'est elle qui nous intéresse beaucoup. Na msemo wa kwanza wa Isha hili ndio ambayo tunazungumzia. Quand nous regardons bien ces versets, tunapoangalia vizuri shahili hili, nous trouvons que le souci de Dieu pour Josué, tunaona kwamba mashaka ya Mungu kwa ajili ya Yoshua, était que Josué puisse réussir dans la mission qu'il lui a confiée. Ni kwamba Yoshua enda kafanikiwe ndani ya kazi aliyompatia. Le souci de Dieu était que Josué puisse progresser. Na haja ya Mungu ilikuwa kwamba Yoshua endelee. Enfin que la promesse qu'il lui a donnée puisse s'accomplir. Il y a hadi aliyompa yende katimilike. Et nous avons vu les deux parties dans cette phrase. Na tukaona ya kwamba kuna sehemu mbili ndani ya msemo huu. Dans la première partie c'était la promesse de Dieu. Na sehemu ya kwanza ilikuwa ni ahadi ya Mungu. Il dit à Josué, tu vas réussir. Anamwambia Yoshua ya kwamba atendelea. Puisque rien ne va t'arrêter. Sababu hakuna kitakacho kusimamisha. Rien ne va te résister. Hakuna kitakacho kupinga. Et la deuxième partie, c'est la responsabilité. Lakini sehemu ya pili inakuwa ni jukumu. Dieu voulait s'assurer que Josué puisse assumer sa responsabilité. Mungu alitafuta hakikisho ya kwamba Yoshua anaheshimu jukumu zake. Josué devait démontrer à Dieu que Seigneur, je crois à ta promesse et je suis prêt à assumer ma responsabilité. Yoshua angepasa kumuonyesha Mungu ya kwamba anaamini ahidi yake na ya kwamba iko tayari kutimiza jukumu zake. Alleluia. Amen. Dieu était prêt à s'engager avec Josué. Mungu alikuwa tayari kujitoa pamoja na Yoshua. Il lui dit, je vais être avec toi. Akamwambia nitakuwa pamoja nawe. Je ne te délaisserai point. Sitakuachilia kamwe. Donc je vais être avec toi jusqu'à ce que tu vas accomplir cette mission. Ni kusema nitakuwa pamoja nawe hadi utakapotimiza kazi hii. Bien-aimé, Dieu lorsqu'il nous donne la mission, il est engagé à aller avec nous. Mpendwa Mungu anapotupatia kazi anajitoa ili aende pamoja nasi. D'ailleurs, il nous dit dans Matthieu, Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 28. Na Mungu Yesu Kristo alituambia ndani ya kitabu cha Mathayo 28. Pour la grande mission qu'il nous a donné de faire de tous les hommes des disciples, ses disciples. Kwa ajili ya kazi kubwa aliyotupatia kufanya wanadamu wote kuwa wafuasi wake. Voici je serai avec vous tous les jours. Akasema tazama nitakuwa pamoja nanyi siku zote. Lorsque Dieu nous confie une mission. Wakati Mungu anatupa kazi. Il ne nous laisse pas aller seul. Hatuache twende wenyewe. Il nous accompagne dans cette mission. Anatusindikiza ndani ya kazi hiyo. Puisqu'il sait que nous sommes des humains. Sababu anachua sisi ni wanadamu. Nous sommes faibles. Na sisi ni dhaifu. Peut-être il peut y avoir des endroits où nous allons échoué. Ça c'est moi qui nous a quoi mal et ambapo tout à chier. Où nous aurons besoin de recourir à lui. Na mahali tutakapokuwa tunahitaji apate tupate msaada wake. Et c'est la raison pour laquelle nous accompagne dans la mission. Na ndio sababu anatusindikiza ndani ya kazi. Mais pour qu'il puisse rester avec nous dans la mission. Lakini ili abaki pamoja nasi ndani ya kazi. Il nous donne une responsabilité. Anatupatia chukumu ya kufanya. Il nous dit. Anatuambia, je serai avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. Tant que tu vivras. Kabla utakapokuwa unaishi. Alléluia. Amen. Je vais être avec toi. Nitakuwa pamoja nawe. Et tu vas être irrésistible. Na utakuwa mtu ambaye hawezi kupinga. À une seule condition. Kwa suti tu moja. Continue à vivre. Uendelee kuishi. Continue à être avec moi. Continue à accepter de m'obéir. Alléluia. Amen. Nous avons dit que vivre dans ce verset tulisema ya kwamba kuishi ndani ya shaili hii ne signifie pas tout simplement respirer. Hayamaanishi tu kupumua. Bien sûr, pour vivre la vie que nous sommes en train de parler ici, hakika ili uishi maisha tunayozungumzia hapa, il faut d'abord avoir la vie physique. Inaomba kwanza uwe na maisha ambayo ni ya kimwili. Alléluia. Amen. Josué dans la tombe ne pouvait pas accomplir la mission. Na Yosua akiwa kaburini hangepaswa kutimiza kazi. Il fallait qu'il soit vivant. Na iliomba awe hai. Mais dans son vivant physique. Lakini ndani ya uhai wake. Il devait être aussi vivant spirituellement. Angepaswa kuwa hai pia kiroho. Lorsque nous parlons vivre. Tunapozungumzia kuishi. Nous sommes en train d'aller dans un terrain spirituel. Tuko tunenda ndani ya uwanja wa kiroho. La Bible nous dit que dans Luc chapitre 2 verset 38 que Dieu n'est pas un dieu de mort. Na Biblia natuambia ndani ya kitabu cha Luka sura 2 mstari wa 38 ya kwamba Mungu si Mungu wa wafu. Lorsque quelqu'un meurt. Wakati mtu anakufa. C'est fini pour lui. Mambo yake yamekwisha. Alléluia. Amen. Et même celui qui est mort spirituellement. Hata ule ambaye amekufa kiroho. Dieu ne peut pas lui confier une mission. Mungu hawezi kumpatia tena kazi. Puisque c'est quelqu'un qui a une intelligence obscurcie. Sababu ni mtu ambaye akili yake inawekwa giza. Il n'est même pas capable de comprendre la mission. Na hana uwezo wa kuelewa kazi hiyo. Puisqu'il ne connaît même pas d'abord pourquoi Dieu l'a créé. Sababu hajui hata Mungu alimuumba sababu gani. Alléluia. Amen. Nous avons défini vivre de trois manières. Tuliweza kufasiria kuishi kwa namna tatu. Et aujourd'hui nous voulons essayer d'entrer en profondeur. Na leo tutaingia kilindini. Par rapport à ces trois définitions. Kufuatana na mafasirio haya tatu. Nous avons dit que vivre signifie. Tulisema kwamba kuishi na maanisha. Avoir Dieu. Kuwa na Mungu. Bien-aimé, il n'y a pas d'avancée en dehors de Dieu. Mpendwa kuna kuendelea mbali na Mungu. Quelqu'un qui refuse Dieu dans sa vie. Mtu anayekataa Mungu maishani mwake. Il est appelé à stagner. Anaitwa kubaki fasi moja. Il n'y a pas de progression en dehors de Dieu. Hakuna kuendelea nje ya Mungu. Lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 1er. Tunaporudi ndani ya Mwanzo sura moja. À la création. Kwa uumbaji. Dieu a créé Adam. Mungu alimuumba Adam. La Bible nous dit qu'il a mis son souffle à lui. Na Biblia inatuambia kwamba Mungu alipulizia pumzi yake ndani mwake. Et Adam est devenu un être vivant. Na Adamu akageuka mtu aliye na uhai. Grâce au souffle de Dieu. Kupitia pumzi ya Mungu. Adam a commencé à vivre. Adamu akaanza kuishi. La Bible nous dit que Adam était en bonne communion avec Dieu. Na Biblia inatuambia kwamba Adamu alikuwa ndani ya ushirika mzuri pamoja na Mungu. Sa relation avec Dieu était une très bonne relation. Na uhusiano wake na Mungu ilikuwa uhusiano mzuri. Et Dieu venait régulièrement pour visiter Adam. Na Mungu alikuwa akikuja kila mara ili amtembelee Adamu. Mais lorsque la chute est arrivée. Lakini wakati kuanguka ilifika. On appelle ça la chute. Wanaita kuanguka. Alléluia. Amen. Lorsque Adam a péché. Wakati Adamu alitenda dhambi. On dit que Adam a chuté. Wanasema kwamba Adamu alianguka. C'est-à-dire il a perdu la position qu'il avait avant. Ni kusema alipoteza nafasi aliyokuwa nayo mbele. Et c'était Satan qui était venu le séduire. Na ni shetani ndiye aliyekuja kumdanganya. Satan lui. Shetani yeye. Si nous pouvons dire Lucifer. Kama tunaweza kusema Lucifero. Lui, il était déjà déchu. Yeye alikuwa ameshaanguka. Il avait déjà perdu sa position. Na alikuwa amepoteza nafasi yake. Alléluia. Amen. Il n'était pas à bon terme avec Dieu. Na alikuwa hapatane na Mungu. Mais Dieu quand il a créé l'homme. Lakini Mungu alipomuumba mwanadamu. L'homme était à bon terme avec lui. Mwanadamu alikuwa anapatana na Mungu. Et l'homme avait une position supérieure par rapport à Satan. Na mwanadamu alikuwa na nafasi ya kuinuliwa kwa sababu ya Satan. Lorsque Satan est venu pour faire chuter l'homme. Lakini wakati Satan alikuja ili amwangushe mwanadamu. Il voulait que l'homme soit au-dessus. Alitafuta mwanadamu au-dessus de lui. Awe chini yake. Alléluia. Amen. Et là, le diable a eu le pouvoir sur l'homme. Na hapo Satan akakuwa sasa na mamlaka juu ya mwanadamu. Puisque l'homme quand il était à bon terme avec Dieu. Sababu mwanadamu alikuwa anapatana na Mungu. L'homme était irrésistible. Mwanadamu hangepasa kupingwa. Alléluia. Amen. L'homme était irrésistible. Mwanadamu hangepasa kupingwa na chochote. L'homme ne pouvait pas stagner. Hangepasa kubaki fasi. Puisque lorsque Dieu lui donne la mission. Sababu Mungu anapompa kazi. Dans Genèse chapitre 1 le verset 28. Dania mwanzo sura 1 mstari wa 28. Il lui dit sois fécond. Anamwambia usai. Multiplie. Wendo kasidishwe. Asijati. Wendo katiishe. Domine. Na wendo katawale. C'est-à-dire. Ni kusema. Ba, à cette période là. Kwa wakati huo. L'homme était irrésistible. Mwanadamu angepaswa kupingwa. L'homme ne devait pas stagner. Mwanadamu angepaswa kubaki fasi moja. Alléluia. Amen. Mais lorsque le diable s'est rendu compte que Dieu a donné autant de pouvoir à l'homme. Lakini Shetani alipogundua ya kwamba Mungu amempatia mamlaka nyingi mwanadamu. Il s'est dit non. Akasema hapana. Je dois tout faire pour voir comment faire stagner cet homme. Napaswa kufanya yote ili nibakilishe huyu mtu. Afin qu'il ne puisse pas atteindre l'objectif de Dieu. Ili asifikie shabaha ya Mungu. Et c'est ce que le diable a fait. Na ni hiyo ndio Shetani alifanya. La Bible dit que l'ennemi Biblia nasema ya kwamba ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Anakuja ili aibe, aharibu na kuua. Et c'est ce qu'il a fait. Na ni hiyo ndio aliyoifanya. Dans la vie d'Adam. Ndani ya maisha ya Adam. Le diable a eu l'autorité sur l'homme. Na Shetani akawa na mamlaka juu ya mwanadamu. Et il pouvait résister l'homme dans ce que l'homme pouvait faire. Na angepaswa kumpinga mwanadamu ndani ya ile ambayo angepaswa kufanya. Et son objectif c'est faire stagner l'homme afin que l'homme ne puisse pas avancer. Na shabaha yake ni kumbakilisha mwanadamu pale pale ili asiendelee. Et nous voyons directement que Dieu a chassé Adam du jardin d'Eden. Na tukaona ya kwamba Mungu akamfukuza Adam ndani ya bustani ya Eden. Pour que Adam puisse commencer à aller se débrouiller, comment il va manger, comment il va vivre. Ili Adam yeye mwenyewe aanze kutafutisha namna gani ataishi namna gani atakula. C'était déjà le début de la stagnation. Na ilikuwa ni mwanzo wa kubaki fasi moja. Alléluia. Amen. Vivre c'est avoir Dieu. Kuishi ni kuwa na Mungu. Lorsque on n'a pas Dieu bien-aimé. Wakati hauna Mungu mpendwa. Quel que soit ce que les gens peuvent voir à l'extérieur des choses qui brillent. Hijalishi ile ambao watu wanaweza kuona nje inayong'aa. On est misérable. Unateswa ndani. Il y a pas d'avancer sans avancée spirituelle. Hakuna kuendelea bila kuendelea kiroho. Même si tu peux te dire, hata kama unaweza kusema, moi je ne stagne pas. Mimi sibaki fasi moja. Mes affaires marchent. Biashara yangu inaendelea. Lorsque nous voyons les païens, tunapoona wapagani. Ils prospèrent plus que nous. Wanaendelea kutushinda. Ils ont l'argent. Wana pesa. Ils ont des véhicules. Wanakuwa na magari. Ils construisent des maisons. Wanachenga nyumba. Ils font des projets, les projets réussissent. Na miradi hizo zinafanikiwa. Bien aimé, ces gens-là sont misérables. Mupendo wapendo hao wanateseka. Puisque sur le plan spirituel. Sababu kwa ngambo ya kiroho. Ils n'ont pas Dieu. Hawana Mungu. C'est comme ça que tu peux voir. Na ndio maana unaweza kuona. Quelqu'un qui est dans une bonne vie. Mtu ambaye iko ndani ya maisha mazuri. Apparemment, selon nous les hommes. Kufuatana nasi wanadamu kwa macho yetu. Tu vas attendre que il s'est pendu. Utasikia kwamba alijitundika. Il s'est suicidé. Akajiua mwenyewe. Si l'argent pouvait procurer le bonheur, na kama pesa ingepaswa kupana heri, il ne pouvait pas le faire. Hangepaswa kufanya hivyo. C'est parce qu'il sait qu'il y a un vide. Ni sababu anasikia kwamba ni wazi moyoni. La richesse, utajiri, l'argent, pesa, tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde, yote tunayoweza kuwa nayo duniani humo, ne peuvent pas nous donner le bonheur. Haiwezi kutupatia heri. Même si apparemment nous pouvons avoir toutes ces choses-là. Hata kwa macho ya watu tunaweza kuwa na mambo haya yote. Mais nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas en train de stagner. Lakini hatuwezi kataa ya kwamba tunabaki fasi moja. Puisque nous n'avons pas Dieu. Sababu hatuna Mungu. La Bible nous dit. Biblia inatuambia. Dans Ephésiens chapitre 2. Ndani ya Efeso sura 2. Nous étions morts par nos offenses. Tulikuwa tumekufa kwa makosa yetu. Un pécheur, quelqu'un qui n'a pas Dieu, Dieu le considère comme mort. Mtu wa zambi ambaye hana Mungu, Mungu anamwona kama mufu. Il n'a pas de vie. Hana uzima. Il ne vit pas. Haishi. Même s'il est en train de marcher. Hata kama anatembea. Même s'il est en train de rouler. Hata kama anaweza kuona tembeza gani. Même s'il est bien habillé. Hata kama anavaa vizuri. Mais aux yeux de Dieu. Lakini kwa macho ya Mungu. Il est comme mort. Yeye ni mufu. Puisqu'il n'y a pas de Dieu à lui. Sababu Mungu haiko ndani mwake. Lorsque Adam a péché, il était séparé de Dieu. Wakati Adam alitenda zambi, aliachana na Mungu. Il avait perdu la vie de Dieu. Akatengwa na Mungu na kapoteza uzima wa Mungu. Et tous nous sommes nés sous la chute d'Adam. Na sisi sote tumezaliwa ndani ya kuanguka kwa Adam. Et toute personne na kila mtu qui n'a pas encore décidé ambaye hajaamua de donner à Dieu la place dans sa vie. Kumpatia Mungu nafasi ndani ya maisha yake. Il est dans le camp. Iko ndani ya hiyo kambi. De lorsque Adam avait péché. Ya wale ya ile wakati ambao Adam alitenda zambi. C'est la raison pour laquelle Dieu appelle l'homme l'homme animalisé. Hier nous en avons parlé. Na ndio sababu Mungu anamuita ule mwanadamu kama mtu ambaye ni kama nyama. 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 14. Wa Korinto wa kwanza 2:14. L'homme animal. Lakini mtu ambaye ni ne kama nyama. Ne pas les choses de Dieu. Hapokee mambo ya Mungu. Car elles sont une folie pour lui. Sababu kwake ni upumbafu. Et il ne peut les connaître. Na hawezi kuitambua. Car c'est spirituellement qu'on agit. Sababu unaielewa kiroho. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Mtu kinyama au asili hapokee mambo ya Mungu. Puisqu'il n'a pas Dieu à lui. Sababu hana Mungu ndani mwake. Il n'a pas l'esprit de Dieu à lui. Hana roho wa Mungu ndani mwake. Ces choses-là sont comme une folie. Na mambo haya yanaonekana kama c'est la raison pour laquelle ne faut pas vous étonner lorsque vous dites à un païen, je pars à l'église. Na ndio sababu usishangae unapomwambia mpagani naenda kanisani. Il dit pourquoi tu perds ton temps? Anakuambia sababu gani unapoteza muda wako? Tu perds ton temps. Il nous appelle nous qui avons Dieu. Wanatuita sisi ambao tuna Mungu. Nous les chrétiens, nous appelle que nous sommes des ratés. Sisi wa Kristo wanatuambia kwamba tunapoteza mais faut être fou pour réfléchir comme ça. Inaomba kuwa mpumbafu ili ufikiri kama hivi. Les choses de Dieu c'est une folie pour na mambo ya Mungu inakuwa kama upumbafu mbele yao. Comment se fait-il hier la nuit j'étais en train de méditer, j'ai passé la nuit ici à l'église. Jana usiku nilikuwa hapa kanisani nikisema. Ici derrière l'église. Hapa nyuma ya kanisa. Je sais pas s'il y a combien de bars. Sijui kama kuna vilabo ngapi. Il y a tellement de la musique. Nakwambia kuna muziki. Et je me suis dit la nuit. Na nikasema usiku. Donc les papas. Ni kusema wa baba. En veste. Ambao wanavaa suti. Qui savent bien porter la ceinture. Ambao wanaweka mkaba wa uso. Que les pantalons ne tombent pas. Ili suruali yao si. À ce moment, ils ne sont même pas en train de penser qu'il faut qu'ils rentrent à la maison. Na kwa wakati wao wako wanafikiria kwamba inaomba warudi nyumbani. Et ils se mettent sous les parasols. Na wanakuwa chini ya mwamvuli. Dans l'obscurité. Ndani ya giza. Il n'y a même pas de soleil. Hakuna hata jua. Bien-aimé, la nuit, quand votre enfant prend les parapluies. Mpendwa, mtoto wako anapochukua mwamvuli. Et la nuit, il se promène avec les parapluies dans la maison. Na usiku anakamata hii mwamvuli anatembea ndani ya nyumba. Qu'est-ce que vous lui dites? Utamwambia nini? Mais des papas bien, des femmes bien intellectuelles. Lakini wa baba wa mama wazuri la ambao wamesoma. Ils sont assis sous les parapluies. Lakini usiku wanakaa chini ya mvua. Il y a pas de pluie. Hakuna mvua. Sous les parasols. Wanakaa chini ya mwamvuli. Même à 16h ici. Hata kwa wakati huu. Si quelqu'un passe ici. Kama mtu tu anapita hapa. Avec les parapluies. Pamoja na mwamvuli. Il y a ni pluie ni soleil. Hakuna mvua, hakuna jua nyingine. Mais tout le monde qui va le trouver en chemin, il va s'étonner, il va dire kila mtu atakaye mkuta ndani ya njia atasema si ya quelque chose qui ne va pas dans la tête de cette personne. Mtu kuna kitu ambacho akiendeke vizuri ndani ya kichwa. Et c'est ce que les païens font. Na ni hiyo ndio wapagani wanafanya. La Bible dit qu'ils ont l'intelligence obscure. Il y a Biblia inasema kwamba kuna giza ndani ya akili yao. Quelqu'un qui n'a pas Dieu. Mtu ambaye hana Mungu. C'est comme ça qu'il est. Na ni hivyo ndivyo alivyo. Bien-aimé, mpendwa. Si l'argent, si tout ce que nous pouvons avoir, kama yote ambayo tunaweza kuwa nayo pesa, pouvait procurer le bonheur. Ingepaswa kuleta furaha. Les riches païens, wapagani ambao ni watajiri, Vraiment, ils seront les plus heureux. Hakika ongekuwa wenye heri wakubwa. Mais ce sont des grands malheureux. Lakini wao wanateseka sana. Il y a une chaîne que nous suivons à la maison parfois. Kuna mtandao moja tunaofuata nyumbani. Je ne connais pas le nom de la chaîne. Na sijui jina mtandao huo. C'est une chaîne des riches. Ni mtandao wa watajiri. Donc c'est comme si les gens exhibent leur richesse là-bas, leur vie. Ni bon, kama vile watu wanakuwa wakionyesha maisha yao utajiri wao. C'est une réalité. Na ni ukweli. Mais qu'ils exhibent devant le monde entier comment ils vivent. Lakini wanaonyesha ulimwengu nzima jinsi wanavyoishi. Et tu trouves que ce sont des riches. Na unaona kwamba ni watajiri hakika. Donc, quand il s'agit de rouler dans un véhicule, ni kusema kama ni kutembeza gari. C'est le dernier cri. Hiyo ni gari donc, ya bei kubwa. Le vêtement de ces femmes-là, mavazi ya wanawake hao, ils vont se mettre dans les maisons là de griffes. Kardashian, Louis Vuitton. Wanaenda tu ndani ya manyumba mbao wanausisha mavazi ya bei kali kali. Tous ces griffes-là. Non pas les griffes là, wenze, c'est que nous, tout le monde a déjà pris. Non, de nouveau là. Sio ile mavazi ambayo kila mtu ambaye ameshachukua, ile mavazi mpya. Mais ce que j'ai observé dans la vie de ces gens-là. Lakini niliyochungusa ndani ya maisha watu hao. Ce sont des grands malheureux. Ni watu ambao wanateseka sana. Il y a une émission, je sais pas si je peux dire émission. Kuna kipindi. Il faut passer des gens qui font des chirurgies qui vont pour se faire des chirurgies esthétiques. Wanafanya wanapitisha kipindi ambacho watu wanaenda kutengeneza mwili wao. Je ne sais pas ceux qui suivent cette chaîne là. Na si tu wanaofuata mtandao. Ces femmes là qui sont là-bas. Mnaona wale wanawake wote wanaokuwa hapo. Toutes ces femmes, vraiment à peu près 80% ou 90%, elles sont déjà parties changer leur poitrine. Asilimia makumi nane ama makumi tisa wale wanawake wameenda kubadilisha kifua chao. Elles ne sont pas fières des seins que Dieu les a donnés. Na hawafurahii ile ambayo Mungu amewapa. Ceux qui ont des petits, elles vont pour les faire gonfler. Wale ambao wana kidogo wanaenda ili wa inenepeshe. Ceux qui ont des gros, elles vont pour les faire diminuer. Na wale ambao wana kubwa kubwa wanaenda ili wazipunguze. La dernière fois la semaine passée. Na juma iliyopita. J'ai vu une femme, vraiment j'ai pitié. Niliona mwanamke mmoja nikasikia huruma. Je me suis dit, vraiment vous savez que le salut c'est un miracle. Unajua kwamba kuokoka ni muujiza. Connaître Dieu. Kumjua Mungu. C'est la plus grande richesse qu'on peut avoir. Ni utajiri mkubwa ambao unaweza kuwa nao. Puisque la connaissance de Dieu nous aide dans beaucoup de choses. Sababu kujua Mungu inatusaidia ndani ya mambo mengi. Cette femme là. Ule mwanamke. Elle avait une petite poitrine. Alikuwa na kifua kidogo. C'est comme si ce qu'elle expliquait, elle disait qu'elle voyait comme si celle qui avait des grosses poitrines avait les marchés. Na alikuwa anaona kama vile wanao kubwa kubwa ndio ambao wanapendwa. Elle est allée faire gonfler sa poitrine. Na kaenda ili avimbishe kifua chake. Elle est allée pour la première fois en ami. Alienda mara ya kwanza wakaweka. Elle a vu que ça ne suffisait pas. Na kaona kwamba haijatosha. Ce que je vous dis là c'est pas un film. Na nawaambia sio filamu ni kweli. Elle est allée pour la deuxième fois, on a ajouté. Akaenda mara pili wakaongeza. Elle est allée pour la troisième fois. Akaenda kwa mara tatu. On lui a donné le sein de 15 kilos. Wakampatia maziba ya kilo 15. Donc elle portait ici. Ni kusema 15 kilos. Alikuwa naweka hapa kilo 15. Elle a fait ça quand elle avait... Puisque quand elle est allée se faire réopérer, elle avait 50 ans. Alipoenda kwa upasuaji tena alikuwa na miaka 50. Elle venait de faire 20 ans avec ses seins là. Alikuwa amefanya miaka 20 na ile maziba. 15 kilos. Kilo 15. Elle était fatiguée. Alikuwa amechoka. Elle allait maintenant chez les médecins. Alienda sasa kwa doctor. Pour que les médecins enlèvent ça. Ili doctor iondoe. Elle lui donne ce qui est petit. Nampatie iliondogo. Donc, En voyant même cette poitrine-là, ça faisait peur. Ukiona ile kifu unaweza kuogopa. Et le médecin était sincère avec lui. Na docteur alimwambia kweli. Il lui a dit, je vais t'opérer, mais sache qu'il y a beaucoup de risques. Akamwambia nitafanya upasuaji, lakini ujue ya kwamba kuna hatari. Premier risque, tu peux mourir. Hatari ya kwanza unaweza kufa. Deuxième risque. Hatari ya pili. Tes seins sont devenus comme de grosses poches, je ne sais pas si ça va marcher. Na maziba yako yamegeuka kubwa, sijui kama mambo itaendeka. La femme l'a dit, je signe. Na ule mwanamke akasema na kubali yote ambayo itafika. Tout ça c'est puisqu'on n'a pas Dieu. Yote ni sababu hauna Mungu. Vous savez que même dans la maison de Dieu il y a des gens qui sont comme ça. Unajua kwamba hata ndani ya nyumba ya Mungu kuna watu ambao wanakuwa hivyo. Dans cette chaîne là il y a ceux qui vont pour se faire réparer les nez. Oh mon nez là je n'aime pas. Ndani ya mtandao ule kuna watu le ambao wanaenda ili wageuze pua yao. Oh mes lèvres c'est petit, il faut qu'on ajoute. Yeah, j'ai vu une femme. On injecte, je ne sais pas c'est quel produit dans les lèvres pour que ça essaie de gonfler comme pour nous les noirs. Anenda ili wafimbishe kinywa chake. Na wao unajiangalia mkio ile midomo yako unaangalia unasema ni kwa bimilo. Et toi tu te vois dans un miroir, tu vois tu dis j'ai des grosses lèvres alors qu'il y a les autres qui enlèvent. D'autres sont en train de chercher ça. Wengine wanaitafuta. Aime-toi comme tu es. Alléluia. Utipende jinsi ulivyo. Vous savez, il y a un autre aspect qui nous garde dans la stagnation. Unajua kuna jambo lingine ambalo linatubakilisha fasi moja. Il y a des gens. Kuna watu. Quand il se met comme ça devant le miroir. Anapokuwa mbele ya kio. Selon lui. Kufuatana naye. Il regarde quelque chose, par exemple son nez. Anaweza kuona jambo moja kwa mfano pua lake. Il dit que je n'aimerais pas avoir un nez comme ça vraiment. Anasema singependa nikuwe na pua kama si je pouvais avoir un nez comme le nez de tel. Ningekuwa na pua kama pua ya fulani. Bon mais il ne peut pas changer son nez. Lakini hawezi kuibadilisha. C'est ça son nez. Hiyo ndio pua yake. Et le fait qu'il a vu ce nez là. Na sababu ameona hiyo pua. Il entre dans un complexe. Anaingia ndani ya kujionea. Et ce complexe cela va le faire souffrir. Na hii kujisusha tamtesa. Il va essayer de chercher des solutions. Atatafuta suluhisho. Peut-être qu'il a des moyens même il peut aller même faire la chirurgie. Sasa moja ana pesa anaweza kufanya upasuaji. Et toute sa vie va tourner autour de la réparation du nez. Na maisha yake yote itakuwa tu inazunguka juu ya kutengeneza ipu. Il n'a plus le temps de penser à autre chose pour avancer. Na hana wakati wa kufikiria mambo mengine ili aendelee. Bien-aimé, mpendwa. Paul avait une écharde. Paulo alikuwa na nyota. Il a dit Seigneur, j'aimerais que tu me guérisses. Na kamwambia Bwana nahitaji uniponye. Le Seigneur lui a dit je ne te guérirai pas. Na Mungu akamwambia sitakuponya. Fais la mission. S'il avait tourné autour de son écharde. Na angekuwa nazunguka tu juu ya ile nyota. Il n'allait rien faire. Hangefanya kitu. Pourquoi les problèmes que tu as là, tu tournes autour de ces problèmes, tu entres dans les chumba maombi, wanaenda kuchunda. Sababu pour les mêmes problèmes, tu as déjà vu le pasteur Christophe, il a déjà autant prié pour toi. Tu es allé voir le pasteur Christophe, il a prié pour toi. Tu es allé voir le pasteur Jonathan, il a prié pour toi. Tu as vu le pasteur Joshua, il a prié pour les mêmes problèmes. Pourquoi tu tournes autour de ces problèmes? Umeona wachungaji wote wachungu ili wakuombe. Sababu gani unasukuka ces problèmes là? Tuache ile shida. Considère ça comme une écharde. Na uangalia hiyo kama vile ni mwiba tu. Alléluia. Amen. Il y a des petites choses autour desquelles nous tournons et ça nous prend tout le temps. On ne sait plus s'occuper d'autres choses. Kuna mambo madogo madogo ambayo tunakuwa tukishughulikia na inatuchukua muda na tushughulikie tena mambo. Tiens, allez dans la retraite de 20 jours. Ukaenda ndani ya mambo pour les mêmes problèmes. Retraite de 40 jours pour les mêmes problèmes. Retraite de 50 jours. De 100 jours pour les mêmes problèmes. Mia moja siku hiyo. Et tu oublies que tu dois faire le commerce pour chercher l'argent. Na unasahau ya kwamba naomba ufanye uchuzi ili utafute pesa. Chère sœur, le problème des mariages, pourquoi ça te préoccupe? Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses, puisque ça ne se trouve même pas dans ces points. Sijui sababu gani zungumzia haya mambo sababu haiko hata ndani ya mada yangu. Alléluia. Amen. Je parle selon le Saint-Esprit. Naongea kufuatana Roho Mtakatifu. Le mariage t'a tellement préoccupé que tu ne vois plus autre chose. Ndoa imekusumbua na uone tena hata mambo mengine. Jusqu'à ce que je vais me marier. Mpaka wakati nitaolewa. Je servirai le Seigneur jusqu'à ce que je vais me marier. Nitamtumikia Mungu mpaka wakati nitakapoolewa. Et si ça ne vient pas? Na sasa kama haikuje? Quel rapport tu iras donner à Dieu? Utampatia Mungu ripoti gani? Seigneur, je ne t'ai pas servi puisque j'étais en train d'attendre les mariages. Bwana sikukutumikia sababu nilikuwa nikingoja ndoa. Seigneur, je ne t'ai pas servi puisque j'étais en train d'attendre le travail. Bwana sikukutumikia sababu nilikuwa nikisubiri kazi. Et il y a beaucoup de personnes, les diplômes sont devenus comme un malheur pour eux. Na kuna watu wengi vyeti vimegeuka kama. Tellement tu écris les j'ai l'honneur. Que tu as des capacités pour créer le travail. Na unasahau ya kwamba una uwezo wa kuunda wa mwenyewe kazi. Alléluia. Amen. Ces gens ici qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce sont les choses qui les préoccupent. Ni mambo vitu ambavyo vinakuwa vinawachukulisha. Tu peux penser qu'il est bien. Anaweza kama ni vizuri. Mais il y a quelque chose. Lakini il y a un vide à lui. Il pense que s'il part changer son nez, ça va remplir ce vide. Anaweza akienda kubadilisha pua yake itaenda kujaza ile. Cette femme-là pensait que si je laissais de 15 kilos. Là, ça va aller. Ule mwanamke aliwaza ya kwamba akiwa na kifua ambayo inakuwa na kilo 15 mambo itabadilika. Mika ela te 50. Lakini alipofikia miaka 50. Elle n'avait plus la force de porter ces 15 kilos là. Alikuwa na tena nguvu ya kubeba mzigo wa kilo 15. Hallelujah. Amen. Si tu es à ce lieu que tu ne connais pas encore le Seigneur. Kama uko mali hapa hujamjua Bwana. Tu n'es pas en train de vivre. Hauko naishi. Dieu te considère comme mort. Na Mungu anakuangalia kama mufu. Tu as besoin de Dieu. Unahitaji Mungu. Pour sortir de la stagnation. Ili uondoke ndani ya kubaki fasi. Il y a pas d'avancer sa Dieu. Hakuna kuendelea bila Mungu. Il y a pas d'avancer sa Dieu. Hakuna kuendelea bila Mungu. Il y a pas d'avancer sa Dieu. Hakuna kuendelea bila Mungu. Puisque la personne là qui a passé qu'il a déjà investi beaucoup d'argent. Mais regarde. Makuta kenende ishia mu. Vitu vya ovyo ovyo. Ça ne les sert même pas. Uangalia mtu ambaye anafikiria kwamba ameshawekeza pesa nyingi lakini pesa zake zinaisha ndani ya mambo ambayo hayana maana na haimsaidii. Hallelujah. Amen. L'homme animal. Mtu kinyama ama mtu. L'homme animal fait référence. L'homme animal fait référence à lui-même. No, c'est un homme non régénéré. Cette personne est gouvernée par ses instincts naturels. Mutu ambaye ni nyama ni kama nyama. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Hana roho wa Mungu anachangalia mwenyewe na haja wewe kwa upya. Na anakuwa chini ya uongozi wa shetani. Elle est esclave du corps et de ses passions. Na anakuwa ni mtumwa wa mwili na tamaa zake. La personne qui n'a pas Dieu veut satisfaire seulement ses passions. Mtu ambaye hana Mungu anapenda kila mara. Il veut satisfaire seulement son corps. Atosheleze tamaa zake na mwili wake. Et nos passions ne pourront jamais être satisfaites. Na mwili wetu na tamaa zetu hazitatosheka hata siku moja. Elle s'appuie sur ses émotions et ses raisonnements humains. Anakuwa akiangalia tu hisia zake na kufikiri kwake kama mwanadamu. Une telle personne ne pourra jamais avancer. Mtu kama na huyu hawezi kuendelea kamwe. Il n'a pas la vie de Dieu qui peut l'aider à être irrésistible. Hana uzima wa Mungu ambao unaweza kumsaidia awe bila kupingwa. Car il a un vide permanent. Sababu ndani mwake ni tundu kubwa. La présence de Dieu dans nos vies vient donner la satisfaction. Inakuja kutupatia kutosheka. Alléluia. Amen. Car bien même, les gens peuvent dire, tu as une grosse tête. Hata kama watu wanaweza sema una kichwa kubwa, wewe ni mfupi. Tu sais comprendre pourquoi Dieu t'a fait comme ça. Unaelewa sababu gani Mungu amekufanya hivyo. Moi j'ai dit aux gens qui disent Mama Rosette naona kwa mfupi. Nawaambia kila mara watu wanaoniambia kwamba niko mfupi. Je les réponds. Na wajibu. Vous voyez demain avant moi. Vous allez arriver demain avant moi. Je nyinyi mtafika kesho mbele yangu sababu mko warefu. Alléluia. Amen. Tous, on va dormir et on va arriver demain au même moment. Et les yeux lancés. Et les coups. Et puis, si tout le monde pouvait avoir la même taille, vous pensez que ça serait beau? Dieu est très intelligent. Alléluia. Amen. Il y a où on aura besoin déjà de grosses tailles, il y a où on aura besoin déjà de petites tailles. Kuna nafasi ambao watahitaji watu warefu sana na kuna nafasi ambao watahitaji watu wafupi sana. Oh, mie niko mweusi. Moi je suis noir. Oh, tu es recherché. Les blancs s'étalent au soleil. Wazungu wanaenda kwa jua. Pour devenir noir comme toi. Ili wakuwe weusi kama wewe. Alléluia. Amen. Sois fier tel que tu es. Ufurahi jinsi ulivyo. Aime-toi tel que tu es. Ujipende jinsi ulivyo. Et pour arriver à ça. Na ili ufikie hiyo. Il faut que Dieu soit dans ta vie. Inomba Mungu akuwe ndani ya maisha yako. Puisque sans Dieu. Sababu bila Mungu. Tu ne seras jamais satisfait. Hautatosheka hata siku moja. Jamais. Hata siku moja. C'est la présence de Dieu qui nous donne la satisfaction. Ni uwepo wa Mungu ndio unatupatia kutosheka. Alléluia. Amen. La deuxième chose. Jambo la pili. Alors comment nous pouvons avoir Dieu avant de passer à la deuxième chose? Namna gani tunaweza kupata Mungu mbele tufitie kwenye jambo la pili? Toi qui es ici et qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas Dieu. Wewe ambaye uko hapa hujampatia Yesu maisha yako au na Mungu. Pour avoir Dieu, na ili uwe na Mungu, il y a une seule voie. Kuna kwa tu njia moja. Jean chapitre 14 verset 6. Yohana 14 mstari wake wa 6. Jésus-Christi. Yesu Kristo akasema. Je suis le chemin. Mimi ndimi njia. La vérité. Kweli, et la vie. Na uzima. Nul ne vient au Père. Hakuna kujaye kwa Baba. Que par moi. Kama apitie kwangu. Jésus-Christ est le seul chemin. Yesu Kristo ni njia moja ambayo inatuwezesha kumfikia Mungu. Il est l'unique. Le seul chemin. Yeye ni njia moja. Et c'est Dieu qui a donné cette solution aux hommes. Na ni Mungu ndiye alipana hiyo suluhisho kwa wanadamu. La Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Biblia inatuambia kwamba wakati tulikuwa tungali watenda dhambi, Kristo akakufa juu yetu. Alléluia. Amen. Celui qui croit à Jésus-Christ. Anayemwamini Yesu Kristo. Va avoir Dieu. Atapata Mungu. Va avoir une bonne relation avec Dieu. Atakuwa na uhusiano mzuri pamoja na Mungu. Jean chapitre 3 verset 16 nous dit, quiconque croit à lui, il ne périra pas. Yohana 3:16 yeyote amwamini hatapotea lakini atapata uzima. Il aura la vie. Atapata uzima. Il aura Dieu. Atapata Mungu. Il aura Dieu. Atapata Mungu. Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous donne la vie. Ni uwepo wa Mungu ndio unatupatia uzima. Peut-être que tu es là cet après-midi. Sasa moja uko hapa jioni ya leo. Et que tu n'as pas bonne relation avec Dieu. Na una uhusiano mzuri pamoja na Mungu. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Hujampatia Yesu maisha yako. Ne rate pas ce moment. Usipoteze wakati huu. Ne rate pas cette occasion puisque tu ne connais pas ce qui peut arriver après cette rencontre. Usipoteza fursa hii sababu haujui ambayo inaweza kufika kisha hii. Tu ne connais pas. Haujui. Ne connaît pas. Haujui. Je ne sais pas si vous avez vu les images de cet avion-là qui a crashé. Sijui kama muliona mapicha ya ndege hiyo iliyofanya ajali. Tu peux dire, je vais donner ma vie au Seigneur demain. Unaweza kusema nitampatia Yesu. Je suis encore jeune, je dois jouir de ma jeunesse. Ningali kijana sheti nifurahie ujana wangu. Qui te dit que tu vieilliras? Nani anakuambia kwamba utakuwa mzee? Ceux qui sont montés dans cet avion-là, qui leur a dit qu'ils ne vont pas arriver? Nani ambaye aliwaambia kwamba hawatafika? Ils étaient en train de crier. Walikuwa et puis c'était... Wanalia, basi. La mort de l'avion. Donc, unashtuka tu. Siko tena mie. Tu te racontes que tu n'es plus toi. Et si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus? Na kama ulikuwa hujampa Yesu maisha yako. Utaenda wapi? C'est bien que nous sommes en train de courir devant nos avancées sur cette terre. C'est bien que nous sommes en train de courir dans nos avancées sur cette terre. Ni vizuri kuwa kama tuko tunatafutisha kuendelea yetu hapa duniani. Nous sommes en train de lutter contre la stagnation que nous connaissons sur cette terre. Na tuko tunapiganisha kubaki fasi moja ambayo tunaipata hapa duniani. Mais la présence de Dieu va nous aider à sortir de la stagnation que nous connaissons dans nos affaires, dans nos entreprises, dans nos vies, dans nos études sur cette terre. Lakini uwepo wa Mungu itatusaidia tutoke ndani ya kubaki fasi moja hapa duniani. Mais cette présence de Dieu nous donne aussi l'assurance d'entrer un jour au ciel et de vivre dans la félicité éternelle avec Dieu. Ne rate pas cette occasion. Usipoteze wakati hii. Donne ta vie à Jésus. Umpatie Yesu maisha yako. Alléluia. Amen. La deuxième chose. Jambo la pili. C'est être et demeurer en bon terme avec Dieu. Ni kuwa na kudumu ndani ya mapatano mazuri pamoja na Mungu. Si vous voulez sortir de la stagnation. Kama unataka kutoka ndani ya kubaki fasi moja, vous devez avoir Dieu. Unapaswa kuwa na Mungu. Mais aussi demeurer. Lakini avec pia Dieu. Kudumu pamoja na Mungu. Dieu a dit tant que tu vivras. Mungu alisema kabla utakapokuwa ngali naishi. C'est-à-dire qu'il faut que ça prenne du temps. Ni kusema inaomba ichukue muda. Tant que tu vivras. Kabla utakuwa ngali naishi. Beaucoup de gens se contentent d'avoir réussi seulement le Seigneur Jésus-Christ à leur vie. Et puis ils pensent qu'ils ont le droit de vivre comme ils veulent. Watu wengi wanawaza kwamba kuwa na kupokea Yesu Kristo ndani ya maisha yao wamepata haki ya kuishi kama vile wanataka. Ils ont Dieu de temps en temps. Wanakuwa na Mungu kila mara. Donc c'est-à-dire ils vivent de temps en temps. Ni kusema wanaishi mara kwa mara. Et si la vie physique on pouvait la vivre aussi de temps en temps. Na kama maisha ya kimwili ungepaswa iishi mara kwa mara. Puisque nous aimons beaucoup vivre la vie spirituelle de temps en temps. Sababu tunapenda tuishi maisha ya kiroho mara kwa mara. Aujourd'hui je suis spirituel. Leo mimi niko wa kiroho. Demain je suis charnel. Kesho nakuwa kimwili. Aujourd'hui j'ai Dieu. Leo na Mungu. Demain je le laisse à la maison. Kesho namwacha nyumbani. Bien aimé, Dieu n'aime pas déjà comme ça. Mpendwa Mungu hapendi watu kama na hawa. Si tu as décidé de suivre Christ, kama umeamua kumfuata Kristo, suis-le bien. Umfuate vizuri. Vis la vie de Dieu. Uishi maisha ya Mungu. Laisse Christ venir vivre sa vie en toi. Acha Kristo akuja ishi maisha yake ndani mwako. Hallelujah. Amen. Il y a des gens qui utilisent Dieu comme l'ambulance. Kuna watu ambao wanatumia Mungu kama vile gari ya kuja kusaidia. Sema kama yeye des problèmes. Ni wakati tu ana shida. Il est bien avec Dieu. Il va entrer dans le mozindo. Anaingia ndani ya unani wa Mungu. Il va être un homme, une femme de prière. Atakuwa mwanaume na mwanamke. Tout le programme de l'église, il est fidèle. Na mipango sote za kanisa anakuwa mwaminifu. Puisqu'il est en train de chercher quelque chose. Sababu iko natafuta kitu. Dieu veut être notre Dieu dans les bons temps comme dans les mauvais temps. Mungu anahitaji kuwa Mungu wetu ndani ya wakati mzuri kama vile kwa wakati mbaya. Je l'ai encore dit, si Dieu veut faire partie intégrante de notre vie. Nimeshaisema tena hapa, Mungu anapenda akuwe ndani ya kila kitu cha maisha yetu. Quand nous sommes dans la joie, qu'il soit notre Dieu. Tunapokuwa ndani ya furaha awe Mungu wetu. Quand nous sommes dans la fête, qu'il soit notre Dieu. Tunapokuwa ndani ya karamu awe Mungu wetu. Peut-être vous allez dire, Maman Rosette aime répéter toujours les mêmes choses, je les répète encore. Sazimonya mtasema Maman Rosette anapenda kurudilia mambo moja kila siku, nitairudilia tena. Kanunu Mario. Tunapo funga ndoa ama tunapoana. Nous disons à Dieu. Tunamwambia Mungu. Biako bimeshia pa kukanisa. Tes affaires sont finies ici à l'église. Laisse-nous aller dans notre fête. Utuache sasa tuende ndani ya karamu yetu. Il y a des fêtes des archois. Kuna karamu za ndoa za wanamemba wa kanisa hii ambao unafika. Tu te demandes ça c'est le mariage coutumier. Unajiuliza hii ni ndoa ya asili. C'est le mariage religieux, c'est le mariage des chrétiens, c'est quoi? Ni ya Kristo, ni ya kidini ama ni nini? Et entre-temps vous avez pris l'aide des pasteurs pour vous parrainer. Na mlichukua mmoja wa wachungaji ili akuwe msasi wa ndoa. Et puis quand il s'agit d'ouvrir on dit la piste, les pistes. Piste. Na wanaposema wanaanza kucheza. Et vous mettez n'importe quoi. Mnaweka muziki wa kidunia. Vous voulez faire danser le pasteur. Mnapenda mchungaji naye acheze. Bien-aimé. Mpendwa. Si nous sommes chrétiens, soyons chrétiens. Kama tuko wa Kristo, tuko wa Kristo. Tout ce que nous faisons, soyons chrétiens. Tali ya yote tunayofanya. Vous voulez sortir de la stagnation. Unapenda mtoke ndani ya kubaki fasi moja. Mais sois chrétien. Sokoa mu Kristo. Alléluia. Amen. On n'est pas chrétien le dimanche. Hauko mu Kristo tu siku ya Mungu. On n'est pas chrétien ici à l'église. Hauko mu Kristo tu hapa kanisani. On est chrétien à l'école. Hauko mu Kristo à la faculté. Dans le bois, dans le chumba cha kusomea, dans le home, dans ya kubaki ndani ya nyumba yako, au marché, hata sokoni. Yeah, vous savez, beaucoup de gens aiment venir les mamas, je vais vous dire les mamas. Wa mama. Beaucoup de gens viennent accuser les mamas auprès de moi. Watu wengi wanakuja kuwachongea wa mama kwangu. Puisqu'ils savent que c'est moi qui enseigne les mamas. Sababu wanajua ni mimi ninayewafunza wa mama. Pourquoi vous ne voulez pas être chrétien au marché? Sababu gani amupendi mkuu wa Kristo kwenye soko? Pourquoi vous ne voulez pas être des chrétiennes auprès de vos voisines, auprès de vos voisins. Sababu gani mupendi mkuu wa Kristo karibu na wajirani. Vous savez que vos voisins viennent se plaindre même chez moi. Mnajua kwamba majirani zenu wanakuja kuwachongea kwangu. Mama pastere tunakia kuambia juu enjo pastere wabo. Mama pastere nous sommes venus te dire parce que c'est toi leur pasteur. Ça fait mal. Inafanya vibaya. Des choses qui se comportent, on ne peut même pas dire comme des païennes. Wana membo kanisa hii wa mama ambao wanakuwa wanaishi kama wapagani. Même si quelqu'un t'a fait du mal. Hata kama mtu amekufanyia vibaya. Et que toi tu prétends que tu es chrétien. Na wao na wasia kwamba wao ni Mkristo. Mais comporte-toi chrétienne. Su uonekane kama Mkristo. Pour attirer cette personne là par ton témoignage. Ule mtu ili upate apate ushuhuda. Tu viens aller seul au ciel. Unapenda uende wewe mwenyewe mbinguni? Et puis dans quel ciel tu vas aller? Na utaenda ndani ya mbingu ya nani? Tu te querelles avec les voisins. Unakuwa tu unazozana na wajirani. Tu quittes chez toi, tu pars injurier les voisins chez lui. Unatoka kwako nenda kumtukana jirani kwako. Des choses qui sont ici. Wa mama wa kanisa hili. Alléluia. Vous savez, parfois vous dites que moi je suis dure. Il faut qu'on dise les choses bien. Mana mnasema mimi ni mkali, naomba tuseme vitu vizuri. Alléluia. Vitepe vichafu vina fuliwa ndani ya nyumba. Ici c'est notre famille. Na hii ni jamaa yetu. Nous devons laver les linge sale ici. Tunapaswa kufula vitepe vichafu hapa. Vous faites honte à l'église. Munapatisha haya kanisa. Vous savez, vous pouvez penser que moi si angaikia témoignage, témoignage njoni ni. Il y a déjà qu'on donne les conseils comme ça. Na unaweza sema je m'en fiche du témoignage, le témoignage c'est quoi? Mais tu es en train d'abîmer ta réputation. Réputation njoni ni, si kwa tena na réputation. Unaribisha ushuda wako, réputation c'est quoi? Tu n'es pas en train de détruire seulement ta réputation. Hauko tu naribu ushuda wako. Tu détruis la réputation de tous ces archois. Lakini unaribu ushuda wa hao na memba wote wa kanisa hili. Puisque ceux qui te connaissent attaquent archois. Sababu wanakujua kama mwanamemba wa kanisa hili. Lorsque quelqu'un d'autre vient se présenter que je suis archoise. Wakati mtu mwingine anakuja anasema mimi ni mama wa kanisa la arche. Et la personne dit vile tu njoba na kuaka. Mle mtu anasema ils sont toujours comme ça. Au catalogue tout le monde. Na wanaweka watu wote ndani. À cause de ton mauvais comportement. Ile tabia yako sababu una tabia mbaya. Bien-aimés, soyons chrétiens. Mpendwa tuwe wa Kristo. Vivons la parole de Dieu. Tuishi neno la Mungu. Marchons dans la crainte de Dieu. Tutembee ndani ya woga wa Mungu. Vous chantez le matin et le soir, c'est vous qui êtes encore dans les bars. Wewe unaimba asubuhi, jioni na ni wewe tu ndiye ambao unaenda ndani ya vilabu. Vous êtes papa dans l'église, les jeunes filles vous respectent et puis vous draguez encore les mêmes filles qui vous respectent. Wewe ni baba kanisani, wadada wanakuheshimu. Kisa unawasupa wale wadada tena. Qu'est-ce que vous cherchez? Unatafuta nini? Si vous n'avez pas encore fini avec le monde, c'est mieux de rentrer seulement. Kama hujamaliza na dunia. Alléluia. Puisque chaque jour vous venez et vous notez. Et bien aimé, est-ce que nous pouvons d'abord rentrer? Peut-être, pasteur, il faut que tu prennes un congé. Ne nous enseigne pas. Dis-nous seulement de prendre d'abord nos carnets là. Que nous puissions d'abord aller lire ces carnets là et mettre d'abord tout ce que tu nous as déjà enseigné en pratique. Mchungaji atatupatia wakati wa pumziko ambao tutaenda kusoma kurudilia yote ambao tumeshaandika. Hallelujah. Amen. Puisque je me demande parfois qu'est-ce que quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il se dit? Najiuliza Mungu anapotuona anasema nini? Nous avons des carnets de pour ceux qui ont commencé au début de cette église, peut-être ils peuvent avoir même 10 ou 20 carnets. Walioanza mwanzo wa kanisa hii wanaweza kuwa na buku 10 ama 20 ambazo wameshamaliza. Et tout ça sont des prédications. Na hiyo yote na jamaa mahubiri. Na tutasambaka kwa vile vyote. Tutavisambaka. Nous allons plaider tout ça. Alléluia. Amen. Mungu aturumie vraiment. Que Dieu nous pardonne. Lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens. Tunaposema kwamba sisi ni wa Kristo. Que le monde témoigne que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Dunia hakika ishuhudia kwamba sisi ni watoto wa Mungu. La chrétienté c'est pas dans la bouche si les lèvres. Ukristo si tu kwa kinywa kwa maneno. Mais que ça puisse transparaître dans notre vie. Lakini ionekane pia ndani ya maisha yetu. Dans notre comportement. Ndani ya mwenendo wetu. Vous savez, lorsque nous vivons des tas à tas, nous, hein, lorsque nous avons Dieu des tas à tas, chaque fois que nous allons nous éloigner de Dieu, Dieu va aussi s'éloigner de nous. Mungu na atenda mbali na sisi. De Chroniques chapitre 15, le verset 2. Kumbukumbu la Torati la pili, 15 mstari wa pili. Il y a un prophète qui est en train de dire au roi Asa. Kuna nabii ambaye anamwambia mfalme Asa. Il dit, écoutez-moi Asa. Anamwambia unisikilize Asa. Et tout Juda et Benjamin. Na Yuda yote na Benyamini. L'Éternel est avec vous. Mungu iko pamoja nanyi. Quand vous êtes avec Wakati lui. Muko pamoja naye. Si vous le cherchez, kama mnamtafuta, vous le trouverez. Mutampata. Mais si vous l'abandonnez, na kama mnamwachilia, il vous abandonnera. Naye atawaachilia. On ne peut pas rouler Dieu. Hawezi kumchenga Mungu. On ne peut pas corrompre Dieu. Hawezi kumdanganya Mungu. Hallelujah. Amen. Que le Seigneur nous aide. Mungu atusaidie. Nous voyons les gens dans les, nous voyons le roi Saül, l'histoire du roi Saül dans l'Ancien Testament dans, à partir de 1 Samuel chapitre 9. Tunaona historia ya mfalme Saulo kuanzia kitabu cha Samueli wa Saul kwanza sura 9. Saul c'était un roi que le premier roi en Israël que na, Dieu a choisi pour le peuple d'Israël. Na yeye ndiye ambaye alikuwa mfalme wa kwanza wa Israeli ambao Mungu aliweka juu ya taifa lake. Puisqu'ils étaient en train de réclamer que Dieu leur donne un roi. Sababu walikuwa wanamlilia Mungu ili wapatie mfalme. Et lorsque le roi Saul est devenu roi. Na wakati mfalme Saulo aligeuka mfalme. Il était intègre. Alikuwa ni mkamilifu. Il marchait avec Dieu. Alikuwa anatembea pamoja na Mungu. Et lorsque nous voyons ces chapitres 9, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, na tunapoona sura 9 hadi sura 12. Nous voyons les exploits. Tunaona mambo makubwa. Rien ne pouvait résister à Saul. Ambaye alifanya Saulo na kuna kitu ambacho kingepaswa kumpinga. Il était victorieux dans tous les combats qu'il menait. Na alikuwa mshindi ndani ya kila vita alivyopigana. Mais lorsqu'il a atteint l'apogée, lakini alipofikia sifa, il a commencé à s'éloigner de Dieu. Akaanza kwenda mbali na Mungu. Vous savez quand on s'éloigne de Dieu, on commence à commettre des bêtises. Unaanza kufanya mambo ya haya. On commence à faire des choses où on se demande comment est-ce qu'il a posé cet acte-là. Unaanza kufanya mambo na watu wanajua namna gani alitenda jambo hili. Et au chapitre 13, na kwa sura 13, Saul se donne l'audace. Saulo anakamata juhudi. D'aller offrir l'offrande, d'aller faire les sacrifices. Bidi ya kwenda kutoa zabihu. Il a oublié qu'il n'était pas sacrificateur. Na kasahau ya kwamba yeye hakukuwa kuhani. Et c'est à partir de ce jour-là que Dieu a dit. Na ni kuanzia siku ile ambayo Mungu alisema. Mina kutoka. Je te quitte. Quand on est avec Dieu, Dieu est avec nous. Wakati uko pamoja na Mungu, Mungu anakuwa pamoja nasi. Usikwe na jambia hata mimi naweza Fabio tebie mimi napenda. Ne te dis pas que tu peux faire tout ce que tu veux. Je sais que Dieu est avec moi. D'ailleurs, en 1900, tel j'avais reçu Christ. Nilimpokea Yesu ilikuwa mwaka. Et tu ne vis pas, tu ne laisses pas Dieu vivre sa vie à lui. Na hauache Mungu aishi ndani mwako. Mais le Satan va te cribler. Shetani atakupepeta kama ngano. Puisque tu n'as plus de protection sur toi. Sababu hauna tena ulinzi. Lorsque Saül a commencé à commettre ses bêtises, lorsque vous lisez la suite, vous allez voir que c'était défaite sur défaite. Wakati utaona wakati Saulo alianza kuenda mbali na Mungu, utaona kwamba walikuwa wanashindwa kila mara. Jusqu'à ce qu'il est mort. Mpaka wakati alikufa. Bien-aimé. Mpendwa. Lorsque nous avons choisi de suivre Dieu. Wakati tumechagua kumfuata Mungu. Obéissons à Dieu. Tumtii Mungu. Obéissons à Dieu. Tumtii Mungu. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5 verset 16. Biblia inatuambia ndani ya kitabu cha Galatia 5 mstari wa 16. Je dis donc. Nasema basi. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mtembee kwa roho na mtatimiza tamaa za mwili. Marchons selon l'esprit. Tutembee kwa roho. Car nous ne pouvons pas accomplir les désirs de la chair. Ili tusitimize mapenzi ama tamaa za mwili. Dieu n'aime pas les gens qui mènent des vies doubles. Mungu hataki watu wanaoishi maisha mbili. Si vous voulez plaire à Dieu. Kama unapenda umfurahishe Mungu. Vivez comme Dieu veut que vous puissiez vivre. Uishi kama vile Mungu anataka uishi. Lorsque Dieu a parlé à Josué. Wakati Mungu alikuwa akimwambia Yoshua. Dans notre passage là de Josué. Ndani ya andiko letu la Yoshua. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Hakuna atakaye kupinga kabla utakapokuwa unaishi. Tant que tu vivras. Kabla utakapokuwa unaishi. Donc tant que tu seras en communion avec moi. Ni kusema kabla utakapokuwa ndani ya ushirika msuri pamoja nami. Tant que tu vas continuer à m'obéir. Kabla utakapoendelea kunitii. Et comme cela était vraiment le souci de Dieu. Nchisi hii ilikuwa ni tamaa ya Mungu. Au verset 7 et verset 8. Kwa shahili la 7 na la 8. Dieu lui donne des conseils. Mungu anampa sasa shauri. Et il lui montre qu'est-ce qu'il peut faire. Na namuonyesha nini anaweza kufanya. Pour que cela soit possible. Ili hii iende kawezekane. Pour qu'il puisse marcher selon Dieu. Ili aende katembee kufuatana na Mungu. Il lui dit, fortifie-toi seulement et aie un beau courage. Anamwambia uwe hodari na shujaa na uendelee. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Kwa kutembea ndani ya uaminifu wa maagizo yote ambayo mtumishi wangu Musa alikupatia. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Usiende kushoto ama kuume. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ili ufaulu ndani ya yote ambayo utakayofanya. Tu veux réussir. Unahitaji kufaulu. Tu veux sortir de la stagnation. Unahitaji utoke ndani ya kubaki fasi moja. Marche selon la loi de Dieu. Tembea kufuatana na sheria ya Mungu. Marche selon la loi de Dieu. Tembea kufuatana na sheria ya Mungu. La troisième chose. Na jambo la tatu. C'était avoir l'onction active. Ni kuwa na mafuta ambayo inachamuka. Tout le monde tel que nous sommes ici. Kila mtu njisi tulivyo hapa. Nous sommes oués. Tumepakaliwa mafuta. Alléluia. Amen. Vous allez le dire comment nous sommes oués. Utasema namna gani tunapakwa. Chaque jour. Kila siku. On prie sur nous. Wanatuombea. On nous dit reçois l'onction. Wanasema pokea upako. On prononce des paroles sur nous. Wanatamka maneno juu yetu. On a tellement prononcé des paroles sur nous. Na wametamka maneno zaidi juu yetu. Nous avons tellement demandé l'onction avec foi et Dieu nous a donné cette onction là. Na tumomba zaidi upako na Mungu ametupa upako huo. Mais cette onction là dort. Lakini ile upako inalala. Cette onction là n'est pas active. Ile upako haitumike. Pourquoi nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction. Pourquoi faire avec cette onction? Sababu gani tunamomba Mungu kila mara tupe upako ili tufanye nini na upako huo? Et chaque jour nous demandons l'onction. Na kila siku tunaomba upako. Afin que nous puissions utiliser l'onction que nous avons reçue. Mbele ya kutumia upako tulioipokea chana. Bien aimé, notre onction doit être activée. Mupendo upako wetu sheti utumike. Si notre onction est activée, nous allons sortir de la stagnation. Kama upako wetu natumika tutatoka ndani ya kubaki. Puisque Dieu nous a déjà équipé de tout le nécessaire pour sortir de la stagnation. Sababu Mungu amesha tupatia vifaa vyote ili tutoke ndani ya kubaki fasi moja. C'est la raison pour laquelle je viens de dire que nous devons rentrer dans nos carnets. C'est la raison pour laquelle je viens de dire que nous devons rentrer dans nos carnets. Na ndio maana nimesema kwamba tunapaswa rudi ndani ya mabuku zetu. Pour relire tout ce que nous avons déjà reçu. Ili tusome tena yote ambayo tumeshakupokea. Hallelujah. Amen. Rien ne peut résister à l'onction bien-aimée. Hakuna kinachoweza kupinga upako mpendwa. Active seulement cette onction là que tu as. Tumikisha tu ile upako ambao unayo. Active cela. Itumikisha. Et tout va marcher. Na mambo yote taendeka. Les hommes de Dieu ont prié pour sur toi. Wa, ils ont prononcé des paroles. Watu wa Mungu wamekuombea na maotamka maneno yako. Ils ont imposé les mains. Wamekuwekea mikono. Ils ont prononcé des paroles de bénédiction sur toi. Wametamka maneno ya baraka juu yako. Et toutes ces prières là le Seigneur les a exaucées. Na maombi hayo yote Bwana aliyakubali. Ce que tu dois faire. Unayopaswa kufanya. Ce que je dois faire. Ile ambayo unapaswa kufanya. C'est d'activer l'onction qui est en nous. Ni kutumikisha ile upako iliyo ndani mwangu. Alléluia. Amen. Et comment nous pouvons activer cette onction? Namna gani kuitumikisha? C'est de faire comme Josué. Ni kufanya kama Yoshua. Le Seigneur a dit à Josué au verset 8. Bwana alimwambia Yoshua kwa sheria. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Kitabu cha sheria hiki kisitoke kama kinywa chako. Médite le jour et nuit. Uitafakari usiku mchana. Le secret pour activer l'onction, c'est être attaché à la parole de Dieu. Siri ya kuwasha moto juu ya mafuta ni kukua unambatana na neno la Mungu. Medite la parole de Dieu. Utafakari neno la Mungu. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Na utaelewa mambo mengi. Au travers la parole de Dieu. Kupitia neno la Mungu. Sois un homme, une femme de prière. Uwe mwanaume na mwanamke wa maombi. Obéis à Dieu. Hallelujah. Amen. On nous a dit que nous sommes des dispensateurs de la grâce. Walituambia kwamba sisi ni wagawaji wa neema. Et tous ces matériaux là ou tous ces bagages là nous l'avons. Na vifaa hivi vyote tunakuwa navyo. Nous n'allons pas seulement commencer à dispenser la grâce aux autres et nous-mêmes nous laissons. Hatutaanza kugawa kwa wengine na sisi wenyewe tunajiacha. J'aime le témoignage de ces bien-aimés qui avaient témoigné ici les jours du réveillon. Qu'il s'est rappelé de cette parole. Nilipenda ushuhuda ule mpendo aliyeshuhudia hapa kwenye kesha la mwaka huu. Je suis dispensateur de la grâce. Na akasema kwamba alikumbuka ya kwamba yeye ni mgawaji wa neema. Je peux pas aller dispenser la grâce sur une autre personne au moment où je suis en train de souffrir. Sipaswi enda kugawa neema kwa mtu mwingine japokuwa mimi mwenyewe nateseka. Il a senti qu'il était malade, il s'est imposé les mains. Na akasikia kwamba alikuwa mgonjwa yeye mwenyewe akajiwekea mikono. Alléluia. Amen. Cette situation qui a stagné, longtemps stagné dans ta vie. Ihali ambayo umebaki fasi moja mara nyingi. Si longtemps nécessaire pour prononcer des paroles afin que cette situation change. Unaweza kutamka maneno ili jambo libadilike. Ce qui nous manque c'est la foi. Inayotukosea ni imani. On doute. Tunakuwa tukisita. Nous doutons de nous. Tunakuwa tukuna na mashaka yetu na hatujiamini. Il faut te croire. Unaomba ujiamini. Si toi tu ne te crois pas. Kama wewe ujiamini. Personne ne va te croire. Hakuna atakaye kuamini. Si tu ne crois pas que tu peux me guérir. Kama uamini ya kwamba unaweza niponya. Quand tu vas venir prier pour moi. Utakapokuja kuniombea. Tu veux que moi je te croie. Unapenda mimi ni kuamini. Tu veux que je croie que tu vas me guérir. Unapenda niamini ya kwamba utaniponya. Au moment où toi-même tu ne crois même pas que ah, même poser les mains, ça va marcher. Wao mwenye waamini ya kwamba kiniwekea mikono mambo itaendeka. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as peur d'aller exercer si tu as l'onction à l'extérieur. Essaie d'abord sur toi-même. Sasa moja unaoga wa kwenda kutumikisha hiyo upako nje. Anza kujizoeleza. Tu peux faire des déclarations sur des situations qui stagnent dans ta vie et ça va marcher. Unaweza kufanya matamko juu ya ile mambo ambayo yanabaki fasi moja maishani mwako na itaendelea kwa sababu ya upako. Active seulement cette onction là. Washe tu ile upako. Hallelujah. Amen. Active cette onction. Washe tu ile upako. Et puis commence à proclamer. Na kisha uanze kutamka. Et puis commence à prophétiser. Anza kutabiri. Tu es le prophète de ta vie. Wewe mwenyewe ndiye nabii wa maisha yako. Prophétise ici ta vie. Wende ukatabiri juu ya maisha yako. Prophétise ici ton travail. Tabiri juu ya kazi yako. Alléluia. Amen. Nous aimons des charlatans qui viennent prophétiser les mensonges sur nous. Tunakuwa na watu wabaya wanaokuja kutamka maneno mabaya juu yetu. Et si par hasard cette chose là marchait. Na kama jambo ile linaitika maishani mwetu. Tu vas devenir son esclave. Utakuwa mtumwa wake. Puisqu'il va commencer à te dire Dieu m'a dit encore de venir prier pour toi. Saba watakuja kuambia Mungu ameniambia tena ni kuombe. Dieu m'a dit que nous puissions entrer dans les jeûnes de 7 jours. Mungu ananiambia tuingie ndani ya mafungo ya siku 7 avec toi. Pamoja na wewe. Il commence à te manipuler. Na anaanza kutumikisha. Et tu fais 7 jours comme ça sans manger, sans programme. Na unafanya siku 7 bila kukula ijapokuwa una shida. Alléluia. Amen. Prophétise toi-même sur ta vie. Utabiri wewe mwenyewe juu ya maisha yako. Active cette onction. Washe tumikisha ile upako. Tu as les capacités de prophétiser sur toutes ces situations qui stagnent dans ta vie. Una uwezo wa kutabiri juu ya ile mambo yote ambayo inabaki fasi moja ndani ya maisha yako. Et les choses vont changer. Na mambo yatabadilika. Tu vas incliner ta tête dans la prière. Utainamisha kichwa chako ndani ya maombi. Tu dis Seigneur Jésus. Tasema Bwana Yesu. J'ai écouté ta parole. Nimesikia neno lako jioni ya leo. Seigneur, je veux que les choses changent. Bwana nahitaji mambo yabadilike. Peut-être que tu es là ce soir. Sasa moja uko hapa jioni ya leo. Et le Seigneur t'a vraiment parlé. Na Bwana amekuzungumzia. Et tu t'es rendu compte que vraiment tu n'as pas Dieu. Na umeelewa hakika ya kwamba hauna Mungu. Par rapport à la stagnation. Kufuatana na kutoendelea. Tu n'es pas candidat ou candidate pour sortir de la stagnation. Wewe si candidate kwa kutoka ndani ya hiyo hali ya kubaki fasi moja. Puisque tu n'as pas Dieu. Sababu hauna Mungu. Ce soir. Jioni ya leo. Le Seigneur t'appelle. Bwana anakuita. Il t'attend les bras ouverts. Anakungoja mikono yake ikiwa wazi. Il veut que tu décides ce soir. Na nahitaji uamue jioni ya leo. Et que tu te dises Seigneur. Na useme Bwana. À partir de ce soir. Kuanzia jioni ya leo. Je veux que tu entres dans ma vie. Nahitaji uingie ndani ya maisha yangu. Je veux que tu me communiques la vie. Nahitaji uondo kanisa kasi. Puisque je me rends compte que sans toi. Sababu naelewa kwamba bila wewe. Je n'ai pas de vie. Sina uzima, sina si maisha. Si tu es là ce soir. Kama uko hapa jioni ya leo. Lève seulement ta main là où tu es. Nyosha tu mkono wako mahali ambapo ulipo. Lève ta